Le Centre d'études des études juteuses du Brésil a dénoncé le 18 dans son page d'Internet que les États-Unis sont l'auteur qui a déclenché le problème nucléaire dans la péninsule coréenne et obligé la Corée à détenir le nucléaire et indiqué que tant qu'existe la politique d'austérité américaine contre la Corée, la République populaire démocratique de Corée développera sensiblement la capacité d'offensive nucléaire.